Voici donc l'émission pilotée, entièrement pilotée, par Benoît. Vroom vroom. Salut. Pourquoi t'es venu ici? Vous écoutez Fadjet sur 94.2. Tout va bien. Sache que ce n'était pas ta faute. Ça ira mieux demain. L'émission! Parce que les séries de demain commencent aujourd'hui. Accompagnez-moi. Notre univers est au bord du précipice. Soyez à mes côtés. J'ai un travail à accomplir, alors je le fais. Je sens que je vais me plaire ici. Bienvenue au palais. Ça ira mieux demain. L'émission! Fadjet. Non, c'est moi qui dois partir, Benoît, c'est pas toi. Non, non, mais je ne veux pas partir, mais j'attendais ma petite musiquette et failli pas en avoir. Non, c'est parce que j'ai baissé le curseur un peu trop vite. Pas de souci. Alors, cette semaine, cette semaine, comme on est, enfin comme toujours, un petit peu, pas en retard, mais presque. Pas en retard, 3 minutes. Non, dans quelques instants, je vous parlerai d'Extraordinary. C'est une série un petit peu déjantée quand même de Disney+. C'est une série sur des Rubik's Cube. Non. Sur des gens qui ont des pouvoirs ils ont des pouvoirs un peu particuliers et la brave héroïne n'en a pas. Et il y a un problème parce que tout le monde a à partir d'un certain âge des pouvoirs, mais elle n'en a pas, elle va devoir consulter. Et c'est une série complètement fofolle, mais qui est très très drôle, que je vous conseille sur Disney+. C'est notre parloir de ce soir. On reviendra après sur une série d'Apple TV+. Laurent en a parlé tout à l'heure, et comme on est toujours connecté, même si on ne se parle pas, je vais aller dans le sens de l'info qu'a donné Laurent dans le set actu. Mais on commence parce que je voulais lui faire plaisir et parce que je savais qu'il ne passerait pas Calogero. Eh bien, moi, je vais vous présenter Maël. Rappelez-vous, Maël. 25 ans de radio, quel talent. Maël, c'est elle qui a gagné la saison 7 ou 8, je crois, de The Voice. Elle a. C'était une chanteuse qui a été dans l'équipe de Zazie. Elle a eu la chance de travailler avec Calogero qui lui a fait son premier album qui était magnifique. Là, elle revient avec un album qui sortira prochainement. Elle l'a composé, elle a écrit, elle a tout fait toute seule. Et elle est fort et heureuse de porter ce premier single qui s'appelle Flash. C'est pas facile hein, de s'épanouir, comme elle dit, elle a un petit peu peur. Un titre et un album qui sera plus personnel, où elle va parler d'elle. Voici pour vous, sur Fadjet dans Ça ira mieux demain, le premier single du nouvel album de Maël, et ça s'appelle Flash. Et on en profite pour saluer les photographes. Les photographes, et puis, en plus, voyez l'anecdote Flash. On a appris cette semaine la fin du tournage de la 9e saison de la série avec Grant Gustin. Il a fait un petit coucou ému à toute l'équipe. C'était la fin du tournage pour la saison 9 de Flash qui arrivera, je crois, d'ici quelques mois. Et je revois le fond, mes souvenirs sont là, je redoute le monde. J'entends comme des sirènes se battent entre elles, et puis le bruit les vagues m'emportent et reviennent. Je voulais juste lui parler, mais on s'est désabonné. Je ressens ses mains qui picotent et picotent encore mon corps. Je pense à ces matins où tout était encore là, comme pour la première fois. Ah, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Qu'est-ce que tu Moi, cette voix, la voix de Maëlle, me transperce. C'est une voix magnifique. Voilà. Alors, si tu pouvais éviter de mettre du sang sur la moquette dans la salle où tu es, ça serait bien. Oui. Mais bon, je vais attendre hein, pour me faire harakiri. Elle te transperce. Ah oui, j'ai compris. Bon, ok, je sors. Non, mais c'est bon. Je peux prendre ma place dans la rue. Il n'y a pas de souci. Allez, maintenant. Il n'y a pas de souci. Le parloir. Non, mais il n'y a pas de souci pour la blague. Ah, d'accord. Le parloir. Et là, on va encore bien rire avec cette fameuse. Et ça va être extraordinaire. Héroïne, et ça sera extraordinaire. En version originale, ça sera extraordinaire. Extraordinaire. C'est mieux comme ça. Je lance ? Pas trop fort. Ça ira mieux demain. L'émission ! Direction Disney Plus cette semaine. Dans le monde d'Extraordinary, chacun est censé acquérir un don surnaturel le jour de ses 18 ans. Certains, à l'image des super-héros, volent dans les airs, soulèvent des voitures ou passent à travers les murs. D'autres, plus originaux, attirent les poissons, provoquent un orgasme avec une simple poignée de main ou défèquent des objets sur commande. À bientôt 25 ans, Jane, elle, n'a rien de spécial. Un job sans intérêt, un appartement vieillot, un flirt qui ne fait que passer et toujours aucun super pouvoir. L'héroïne de cette comédie britannique sur Disney+, traîne son désespoir dans les rues de Londres et dans l'appartement qu'elle partage avec sa meilleure amie Carrie, qui elle est capable de faire parler les morts, et le petit copain de cette dernière, Cash, qui peut remonter le temps, de quelques minutes seulement. Le jour où sa petite sœur, détestée, devient super forte, Jane décide de s'inscrire dans une clinique qui aide les sans-pouvoirs comme elle. Flémarde, pas d'ambition, conflictuelle, jalouse. Je me lave les mains aux toilettes que si quelqu'un me regarde. Pourquoi je vous dis tout ça déjà ? C'est mon pouvoir. Je remarque que vous n'avez pas indiqué votre pouvoir. Tout simplement parce que j'en ai pas encore. J'admire vraiment ton courage. Carrie, j'ai pas de pouvoir pour l'instant, ça va, c'est quand même pas la mort. On t'a déjà dit que le pouvoir vient pas à la seconde où t'as 18 ans. T'es une super force ! Alors tout le monde s'en fout complètement qu'elle ait cassé le frigo ! C'est super grand. Je veux un pouvoir. Je le veux tellement, t'as pas idée. Pourquoi tu fixes ce chien ? C'est pas un chien, c'est un démon. Je suis pas déprimé, je suis au milieu de mon arc de rédemption. Je vais t'aider à arranger ta vie. Mon cousin était comme toi. Il est allé dans une clinique où on t'aide à révéler ton pouvoir. Bienvenue. Vous voulez découvrir votre potentiel? Tout à fait, oui, Denise. J'ai peur que rien ne change et qu'ensuite j'ai même plus d'espoir et que je reste seule avec moi-même. Il recommande quoi à part ça? De longues marches, du sexe et manger épicé. T'es en train de regarder comment déclencher un accouchement? Non, je t'assure que non. Oh, à quel point ton col de l'utérus est dilaté? Moi aussi je peux le faire. Ça s'appelle une perruque. Peut-être que le vrai pouvoir, c'est juste d'être toi-même. C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu de ma vie. Non. Les super-héros se prennent de moins en moins au sérieux. De The Boys à Peacemaker, en passant par She's Hulk, presque toutes les séries du genre se teintent désormais d'ironie. Mais quand elles ne virent pas carrément à la satire. Imaginée par une scénariste débutante, Emma Moran, Extraordinary attribue des super-pouvoirs à tous ses personnages, ou presque, pour mieux en explorer la symbolique. La série s'ouvre ainsi sur un festival de dons plus calamiteux les uns que les autres. Mention spéciale à une dentiste capable d'ambiancer ses patients. Carrie n'est-elle qu'une marionnette dont les autres se servent pour arriver à leur fin? Cash remonte-t-il le temps pour corriger la moindre de ses erreurs et fuir ses responsabilités? Et enfin, surtout, la normalité de Jane est-elle vraiment une tare? Question que Jane va prendre un malin plaisir à décortiquer et à résoudre à sa manière, assez particulière. Car prenons garde, cependant, aussi originale et extraordinaire que soit cette série à l'humour féroce, elle est quand même réservée à un public averti. Radine, flemmarde, conflictuelle, franche, détestant son prochain, et un brin vulgaire, notre exubérante héroïne Jane, joyeusement et magnifiquement interprétée par Mayrea Tyers, y parle souvent de sexe sans filtre. We made it through the darkness to the light. Mis-épisode amusant et surtout désopilant et magnifiquement inconvenant. Une autre manière d'aborder le monde des super-héros. Alors, partez à la rencontre de Jane sur Disney+, mais je vous aurais prévenu. Prenez garde. Collect your novel petals for the stem and glow, glow, melt and flow. You eviscerate your fragile frame. Voilà en musique cette série de Disney Plus Extraordinary, tonique, avec plein d'humour et puis toujours une musique bien, bien sympathique. Je prends toujours beaucoup de plaisir à choisir les musiques. Je vous rappelle que toutes les musiques qui sont dans les sujets de ces parloirs, les musiques sont toutes extraites des séries dont je parle. Allez, sans transition, on passe à notre palais avec une série d'Apple TV+. Bienvenue au palais. Ouais, et la série dont il s'agit, c'est Extrapolation, une nouvelle série d'anticipation ciné Apple TV+. Et attention Laurent, quand je vais te dire le casting qu'il y a, eh bien Apple TV+ a aussi cassé à mon avis la tirelire, hein. Pas autant certainement qu'Amazon Prime pour la série dont on parlait tout à l'heure, mais dans Extrapolation, il y a Meryl Streep, Marion Cotillard, entre autres. Et cette série traite des conséquences du réchauffement climatique. Je vais vous passer la bande-annonce dans quelques instants. Mais cette série d'anthologie a choisi donc l'anticipation pour trame de fond les effets du changement climatique sur la planète, ainsi que les impacts sociaux et moraux sur notre quotidien. L'histoire d'interpellation, c'est huit petites histoires entremêlées autour de l'amour, autour du travail, de la foi, de la famille. Et cette série va s'intéresser aux choix personnels et décisifs qui doivent être faits lorsque la planète change plus vite que la population n'évolue. Chaque histoire est différente, mais le combat pour notre avenir est universel. Et lorsque le destin de l'humanité se joue dans une course contre la montre, la lutte entre le courage et l'autosatisfaction n'en est que plus urgente. Voilà ce que nous dit la plateforme Apple TV+ pour nous intriguer et pour nous donner envie de découvrir Extrapolation. Cette série est réalisée par Scott Z. Burns, qui est scénariste de nombreux films de Steven Soderbergh lui-même. Et cette série sera donc dévoilée la semaine prochaine, le 17 mars prochain, sur Apple TV+, avec la diffusion des trois premiers épisodes. Au casting, donc, je le disais, Meryl Streep, mais aussi Kit Harington, Sienna Miller, Edward Norton, Diane Lane, Matthew Rhys, Gemma Gann, David Schwimmer, Kerry Russell, Forest Whitaker, aussi, que l'on connaît également au cinéma, Tobey Maguire, aussi, c'est pas n'importe qui, l'homme araignée, Heather Graham, Michael Gandolfini et Ben Harper également, qu'on retrouvera en tant qu'acteur. Et aussi, donc, je vous dis, surtout deux Frenchies qui sont particulièrement appréciés aux États-Unis, Marion Cotillard et aussi Tahar Rahim, un petit peu moins connu, mais qui marche aussi pas mal aux États-Unis. Voilà, donc rendez-vous le 17 mars sur Apple TV+, pour les, j'ai dit 100 000, hein, c'était 100 000 hein, abonnés. C'est ce que j'ai dit, à peu près 110 000, je crois. Voilà, 110 000. 110 000 abonnés d'Apple TV+, dont on parlait tout à l'heure. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, il y en aura quelques-uns de plus. Allez, la bande annonce tout de suite. L'humanité, au cours de son histoire, n'a fait qu'enchaîner d'horribles catastrophes les unes après les autres. Mais moi, j'adorerais me réveiller comme par magie dans un monde meilleur. Qu'est-ce qui te fait croire que le monde sera meilleur ? L'énergie solaire continue à tenir bon. Les humains ont marché sur Mars. Nous avons vaincu le cancer. Et pourtant, chaque réponse apportée soulève une nouvelle question. Je vais te donner un scoop sur le réchauffement climatique. Aucune importance, à la fin du siècle, on sera plus là. On va tout louper, mais on se marrera bien, dans nos magnifiques cercueils en or. C'est pas la vie qu'on avait imaginée. Un homme dont la maison est en feu est généralement ouvert aux négociations. Nous ne pouvons pas laisser tomber et aller ailleurs. Pour une simple et bonne raison. Nous sommes chez nous. Notre planète est notre seul et unique refuge. Il faut voir le changement climatique comme un ours. En fait, notre planète est au centre du ring et combat l'ours depuis des décennies. Et jusqu'ici, il nous a bien défoncé la gueule. Et si on était capable de développer des technologies qui nous permettraient de survivre, peut-être même de prospérer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Ça se passera pas comme tu l'espères. Ça, je te le garantis. Ça, je l'ai pas oublié. J'étais un homme heureux. D'accord, et maintenant ? Tu l'es maintenant ? Est-ce qu'on est irresponsable ? Tu seras plus en colère à propos du passé. L'avenir, c'est maintenant. Très dangereux qu'elle reste à Miami. Votre mère me dit qu'elle a une sœur à Chicago. Je croyais que tu détestais ta sœur. Il fait beaucoup trop chaud pour détester qui que ce soit ces temps-ci, Marshall. Cette bande-annonce donne envie. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment le vendredi des bandes annonces. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et c'est le vendredi des bandes annonces qui donne envie. Exactement. Tu m'as sorti l'eau de la bouche. J'ai dit, on a eu trois bandes annonces ce soir qui donnent envie. Ouais. Et donc, j'espère qu'on sera pas déçus. Mais alors, pas facile de dénicher Apple TV Plus pour aller essayer de regarder ça. Ça, je crois. Pas trop comment on peut arriver à vous en parler. Mais je sais pas. Va falloir appeler des amis, de la famille. Voilà. Peut-être que quelqu'un parmi vous. À un abonnement, il veut pas le dire. Voilà, si les 110 000 qui nous, des 110 000 qui nous écoutent pouvaient nous faire signe d'une manière ou d'une autre, parce que elle donne envie. C'est certainement la première série d'Apple TV+. Et je me dis vraiment la musique, l'ambiance, oui, puis le thème. Et en plus, tu as pas vu les images là, parce que là, on entend que le son, mais rien que le son. Ça donne particulièrement envie. Donc, c'est dès la semaine prochaine, 8 épisodes à regarder, donc sans modération. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, on s'excuse. Hein. Entre ce que vous devez regarder sur la TNT, ce que vous devez regarder sur les différentes plateformes, alors, il faut bosser. Hein, et essayer de grappiller sur la nuit ou sur les repas, je sais pas. Faites quelque chose, bon courage. Mais bon, il y a de quoi faire. Hein. Et puis, je vous rappelle encore qu'on vous a pas... Il y a encore l'autre, là, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. Ah oui, il y a le problème à trois corps. Hein. Faut pas oublier celle-là. Oui. C'est la série de l'année sur Netflix. Soi-disant qu'on a toujours pas... Par contre, elle, on en... Enfin, non, il y a que nous, en fait. J'ai l'impression qu'il y a que nous qui... parler. Il n'y a que toi, parce que... Il n'y a que moi, oui. Moi, j'ai encore pas vu l'info passer, donc... C'est une exclusivité de Ça ira mieux demain. Ah bah, c'est sûr. Hein. Mais bon, voilà, en attendant... on est là et pour vous annoncer tout ce qui se passe et tout ce qui se passe. Hier, c'était un You, la deuxième partie, ça cartonne fort hein, sur Netflix. Dès la première journée, vous étiez au rendez-vous hier pour regarder la suite, la quatrième saison, la partie 2 de You. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce soir dans des séries de, sur les plateformes. Les plateformes, exactement. Merci Laurent. On se retrouve donc nous la semaine prochaine avec Laurent dès 18h et ça ira mieux demain dès 19h. On se quitte avec... Oui. M. Pokora ? Oh bah si tu veux, allons-y. Allons-nous mélanger avant de... On a le grand patron, soi-disant, de TF1 qui se fait plaisir avec The Resident. C'est vrai. Nous, à notre échelle, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir et passer le nouveau M. Pokora, se mélanger. Et je vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour le Hot 40. Allez, à bientôt, bye bye. Bon week-end, bonne semaine. À bientôt.